deux, à deux. Test, test, test, ici la NASA man. Ça gale les doux, les sucrés, pareil à Louda, pareil à Louda. Foisonne à la rota comme Florent Malouda, Florent Malouda. Nouveauté les lourds, pareil à Walouda. C'est gaz vêtier des tables, des cimes aussi chers à Louda. Fume la ramène, la pointe, la ramène, un nouveau linge. Fume la pointe, les frais, pareil, la rivière, l'ange. En vrai, ça que les pattes de taille, les gazettes d'être petit. Oui, du matin, les gens, des pareils, Francesco Totti. La bonne mitra, mi bec, et tec, pef, pef. Calmez, sinon, mi bec, ou pef, pef, pef. Vêtier des tables, des cimes, pef, pef, pef. Après, tu viens, on vient nous faire la teuf, teuf, teuf. Donc, calme, prépare à zone. Car nous en va, un congolais, nous sommes là-bas, Moussama. Assois, c'est moi qui trappe tout, c'est moi le Zappa. Mon son, il m'écoute, danse toi, dis m'écoute pas. Assois, côté nous les chauds patates. Les chauds patates. Assois, côté nous les chauds patates. Les chauds patates. Donc, assois, nous foutre feu. Tiens-moi, qui ça, il tape pas nous. Ça pour toute ta fine de feu. Point PSL pour arrêter ta ouf. Ça te critique, mais maintenant ça te léche stir. Tu mates les ballons dans numéro 7 Manchester. D'ici la pointe, m'y met tiens roux, m'y met en l'air, m'y met en if. Et front ma fête, pareil Bandanoff. Désolé mais les gars, sans moi ça t'existe pis, ça t'existe mi. Pareil les deux frères Bandanoff. Donc calme, prépare à zone, car nous en va. Un congolais, nous sommes là-bas, Moussama. Assois, c'est moi qui trappe tout, c'est moi le Zappa. Mon son, il m'écoute, danse toi, dis m'écoute. Assois, côté nous les chauds patates. Les chauds patates. Assois, côté nous les chauds patates. Les chauds patates. Donc assois, nous foutre feu. Tiens-moi, qui ça y tape pas nous. Mi bec et tec, pef, pef. Calmez sinon mi bec ou pef, pef, pef. Tiens des tafs ici mon pef, pef, pef. Après tu viens, on vient nous faire la teuf, teuf, teuf. Donc calme, prépare à zone. Car nous en va, un congolais. Nous sommes là-bas, Moussama. Assois, c'est moi qui drape tout, c'est moi le Zappa. Mon son, il bec ou danse-toi, dis bec ou ta. Assois, côté nous les chauds patates.